Exercice 3, page 155. A. Ça, chat. B. Sente, chante. C. Le sien, le chien. D. Tousser, toucher. E. Sauce, chausse. F. Sens, chance.